éternel, nous nous dédions à toi, Seigneur. Notre vie entière, elle est à toi. Car n'est-ce pas qu'on a discerné en toi le vrai bonheur, la joie parfaite? N'est-ce pas qu'on a discerné en toi ce dont nous avons besoin? Le trésor le plus précieux, c'est toi. C'est pourquoi même au milieu de la pagaille, même quand il y a pas mal de problèmes, nous tenons ferme, car nous t'appartenons à toi le seul Dieu. Nous savons que nos noms sont gravés en toi. Nous sommes en toi, Seigneur, greffés pour l'éternité. Tomikabi Katinayo. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, nous sommes des parfums qui chantons, des parfums qui dansons, car notre vie entière est un culte agréable pour toi et toi seul, car tu en vaux la peine. Tu es digne et tu le mérites. Alléluia, Seigneur. Intimité, rester à tes côtés pour l'éternité, être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir, c'est pourquoi je viens. Je sais comment attirer ton cœur près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille. Car j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même mon sacrifice tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante. Qui chante. Parfum qui danse, un parfum, mélodie. Au long de tout mon être, l'ami cablié. Ooh. sans cette